إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 22 dans l'explication du livre Al-Adillatu Shar'iyya li Kashf al-Talbisat al-Hizbiyya 'ala al-Mujtama'at al-Islamiyya du Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Et on est au cours 22 aujourd'hui et on est toujours dans le point de la réfutation au sujet de la question de l'ijtihad des ulama. Parce qu'on a expliqué que certaines personnes essaient de se baser sur le fait que certains chouyoukhs qui ont soi-disant fait une fatwa pour essayer de dire que c'est permis de participer dans les élections dans certaines situations, ou bien pour certains cas. Et le cheikh, il répond à cette question-là, mais en plusieurs étapes. Donc, il a expliqué le premier point à ce sujet-là. Le premier point à ce sujet-là, c'était la question du fait que les ulama, on doit avoir du respect pour eux et les aimer. Et toutefois, les gens du bid'ah, il faut faire la distinction entre les ulama d'Ahl al-Sunnah wal Jama'ah et les mubtadi'ah qui contredisent les fondements de l'islam, les fondements des bases de la sunna. Donc, il ne faut pas mettre les ulama d'Ahl al-Sunnah au même niveau que les ulama des gens de bid'ah et rabaisser un savant de l'islam qui est sur la sunna à cause d'une ijtihad qu'il a fait dans laquelle il s'est trompé, de nier tout ce qu'il a fait de bien par la suite. Et il faut pas non plus élever les ulama de la bid'ah et les déclarer comme étant des imams et des savants et leur montrer du grand respect alors que ce sont des gens qui contredisent les principes de la sunna et les fondements de l'islam. Donc c'est très important de faire la distinction entre ces deux-là pour éviter les deux extrêmes, l'extrême des sururiyin et l'extrême des haddadiyin. Et on a expliqué les deux, qu'est-ce que c'était. Maintenant, le cheikh, il explique le deuxième point par rapport à cette question-là. Le deuxième point, c'est la question du fait que quand on regarde les fatwas des ulama qui ont été utilisés pour défendre ou dire qu'on a le droit de participer aux élections, eh bien, quand on regarde leurs fatwas, on voit qu'en réalité, comme le cheikh il explique, c'est que la question qui leur a été posée au sujet des élections, lorsqu'on leur a posé cette question-là, on voit que la question n'a pas été expliquée ou posée d'une façon correcte. Et c'est ça ce que le cheikh clarifie. Et il donne des preuves à ce sujet-là par la suite. Donc il dit أما ثانيا أن يقال إن كثيرا من أهل الأهواء يوجهون إلى العلماء أسئلة بهيئة تضمن للسائل أن يأتي الجواب على مراده وهذا ما أقاله حصل في مسألتنا التي نحن بصددها ذلك أننا نعرف من علمائنا الأفاضل من خلال كتبهم المقروءة وأشرطتهم المسموعة أنهم ينكرون التحزب المبتدع وينهون عن التفرق والاختلاف من خلال كتبهم المقروءة وأشرطتهم المسموعة أنهم ينكرون التحزب المبتدع وينهون عن التفرق والاختلاف وينهون عن تبرج النساء ويحرمون التصوير خصوصا للنساء بل يحرمون قبل ذلك كله التحاكم إلى غير شرع الله وكل هذه المفاسد وغيرها ما هي إلا نتيجة من نتائج الانتخابات فلو تبين للعلماء هذه المفاسد عند عرض السؤال لرأينا منهم تحذيرا من المشاركة في مثل هذه الأمور. Donc le cheikh il explique ici que deuxièmement, le deuxième point c'est que beaucoup des gens de Bid'a, quand ils posent des questions aux savants de l'islam, ils posent leurs questions d'une manière pour être sûr que la réponse va venir dans leur dans le sens que eux ils veulent. Donc ils arrangent leurs questions d'une certaine façon en déformant certaines réalités ou en cachant certaines réalités pour que lorsque le cheikh répond à la question, le cheikh va répondre à la question dans la façon que ou dans le sens que lui il veut avoir sa réponse parce qu'il a été malhonnête dans sa façon de présenter la question. Il a caché certaines informations ou il a déformé certaines informations. Hein? Donc le cheikh il dit et ça il dit c'est ça ce que je crains qui est arrivé en réalité. Hein? C'est ce que je pense qu'est-ce qui est arrivé justement au sujet de la fatwa. Quand on a posé la question à certains des ulama, on voit qu'ils ont agi de cette façon-là quand ils ont posé la question au sujet de, des votes et de participation aux élections. Maintenant, le cheikh il dit que quand on regarde dans les livres des ulama, de nos grands ulama parmi les ulama de Ahl al-Sunnah, on lit leurs livres et on écoute leurs cassettes et on voit qu'ils dénoncent toute forme de partisanisme qui est basé sur la bid'a, c'est-à-dire ils interdisent les groupes de bid'a et les partis de bid'a. Et deuxièmement, ils interdisent également la division et la divergence, et ils ordonnent le fait de, ils ordonnent le fait de se réunir et de rester unis. Mais après, le shirk, ils interdisent aussi que la femme se dévoile ou montre son corps ou exhibe certains de ses charges. Hein, et ils interdisent également qu'elles sortent dans la rue pour n'importe quelle raison, sans que ce soit vraiment nécessaire. Ils interdisent également de faire des images et des photos, en particulier des femmes. Et ils interdisent également, avant tout ça, le fait de prendre pour juge autre que la charia d'Allah. Et tous ces méfaits-là qui sont mentionnés ne sont que des résultats, parmi les résultats des élections qu'on a mentionnés déjà. Donc si on avait clarifié à ces ulama les différents méfaits qui sont présents dans les élections, on aurait vu que si la question avait été bien posée, avec toute la clarification de ces méfaits, c'est certain que les ulama allaient avertir contre la participation dans ces élections-là. Maintenant, le cheikh il mentionne des fatwas des ulama qui parlent de ces sujets-là. Donc il dit « وَقَدْ وُجِّهَ السُّؤَالُ لِلَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ لِلْمَبْحُوثِ لِلْبُحُوثِ الْعِلْمِيَّةِ وَالْإِفْتَاءِ جاء فيه ما حكم الإسلام في الأحزاب وهل تجوز الأحزاب بالإسلام مثل حزب التحرير وحزب الإخوان المسلمين. Donc la question qui a été posée au conseil au comité de fatwa permanent et de recherche scientifique, ils ont posé la question, est-ce qu'il est permis dans l'islam de former des partis et des groupes? Et comme par exemple le groupe des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimun, ou bien le groupe comme le parti de la libération, Hizb al-Tahrir, hein, et d'autres groupes de ce genre, parce que ça c'est des partis islamistes, et Hezbollah, ça c'est un groupe de Rafida, de Shia. Rafida, c'est pas des musulmans, ça c'est des chiites. Rafida, et ils sont considérés comme étant des kuffars et non pas comme des musulmans. Tandis que Hizb al-Tahrir, c'est des Mubtadi'a qui font partie de différentes tendances. Hein, et le fondateur de Hizb al-Tahrir, c'est un soufi qui s'appelle An-Nabahani. Et An-Nabahani, c'est un soufi. Et ils ont aussi des tendances des Mu'tazila. Également, en tout cas, il y a le Cheikh Salim Al-Hilali qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Jama'at al-Islamiyya fi Dawl al-Kitab wa Sunna, et dans ce livre-là, hein, c'est un très gros livre, mais dans ce livre-là, il a expliqué des différentes sectes. Il a parlé des Soufiya, il a parlé des Rafida, il a parlé des Ikhwan al-Muslimin, il a parlé de Jama'at al-Tablir et il a parlé de Hizb al-Tahrir. Dans ce livre-là, il a mentionné leurs problèmes et leurs erreurs. Donc, celui qui veut des détails là-dessus pourrait retourner à ce livre-là. Ensuite, le cheikh il dit, la réponse à cette question, est-ce que c'est permis de faire des parties dans l'islam et des groupes? Le cheikh il dit, « La yajouzu an yatafarraq al-muslimouna fi dinihim shi'an wa ahzaban yal'anu ba'duhum ba'dan wa yadribu ba'duhum riqaba ba'd. » فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه وذم من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه بالعذاب العظيم وقد تبرأ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلى قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Donc ici le cheikh il explique dans cette fatwa du comité permanent des ulama de l'Arabie Saoudite, il donne la réponse à la question. Il dit qu'il n'est pas permis pour les musulmans de se diviser dans leur religion en différentes sectes et en différents partis. Chacun maudit l'autre. Et il dit également qu'ils se frappent les uns les autres, les uns se frappent le cou des autres, c'est-à-dire ils se tuent les uns les autres. Ça, c'est pas permis dans l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également interdit aux musulmans de se diviser. Hein? Et il a blâmé toute personne qui formait ou qui amenait une division entre les musulmans à cause des dans les principes et dans la foi et dans les fondement. Et il a également menacé toute personne qui divisait les musulmans ou qui se divisait des musulmans qu'il serait dans un dur châtiment, dans un grand châtiment. Et Allah ainsi que son messager se désavoue de toute personne qui fait de la division parmi les musulmans. Et il mentionne des versets comme les versets 103 à 105 dans Surat Al-Imran. Versets 103 à 105. Donc le cheikh il mentionne ce verset là qui est un des grands versets qui parle de l'obligation pour les musulmans de rester unis et de ne pas se diviser. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés, et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez ennemis. Lorsque vous étiez ennemis, c'est lui qui réconcilia vos cœurs. Puis par son bienfait, vous êtes devenus frères. Alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui qui vous en a sauvés. Ainsi Allah vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, Ya'muruna bil ma'ruf, ils leur donnent le convenable, وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, et ils interdisent le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Donc ça c'est les versets qui sont mentionnés à ce sujet, que le cheikh a mentionné. Et ensuite, également, le cheikh a mentionné les versets 159 à 160 dans Surat Al-An'am. Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il clarifie dans ces deux versets-là, des questions qui ont rapport avec le fait de rester unis également. Il dit, ceux qui émiettent, hein, qui divisent leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là tu n'es responsable en rien, leur sort ne dépend que d'Allah, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Quiconque viendra avec le bien, il aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal, il ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Donc ça c'est encore un verset qui parle du fait que quelqu'un ne doit pas se diviser dans la religion, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ceux qui se divisent dans la religion, tu n'as rien à voir avec eux, l'estaminum fi shay, tu n'as rien à voir avec eux. Donc l'interdiction dans l'islam de se diviser entre nous dans la religion. Ensuite, le cheikh il mentionne, en fait la suite de la fatwa, ça dit وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض والآيات والأحاديث في ذم التفرق كثيرة إلى آخر الفتوى. Le cheikh il mentionne la suite, c'est que c'est rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a dit dans un hadith, après moi ne revenez pas après moi à commencer à vous frapper les coups les uns des autres et à vous tuer les uns les autres. Hein? Donc ça c'est des preuves dans les hadiths et dans les versets qu'on a mentionnés pour blâmer le fait de se diviser entre les musulmans. Ensuite le cheikh il dit وَسُئِلَ الشَّيْخ ابن عثيمين فقال السائل ما توجيهكم حول ما يحصل من البعض من التفرق والتحزب. الشيخ الزي quelle est votre opinion ou quelle est votre orientation ou quel conseil pouvez-vous donner au sujet de qu'est-ce qui se produit de certaines personnes ou de certains musulmans aujourd'hui qui se divisent et qui se mettent en partie en différents groupes islamiques. Le cheikh il dit لا شك أن التحزب والتفرق في دين الله منهي عنه ومحذر منه لقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وقوله تعالى يا أيها الذين وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فلا يجوز للأمة الإسلامية أن يتفرقوا أحزابا لكل طائفة من منهج مغير لمنهج الأخرى بل الواجب اجتماعهم على دين الله على دين الله على منهج واحد وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين والصحابة المرضيين لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن تتفرق الأمة أحزابا لكل حزب أمير ومنهج أمير الأمة الإسلامية واحد وأمير كل ناحية واحد من قبل الأمير العام. الشيخ dans la religion d'Allah, c'est interdit. Et c'est quelque chose qui a été un avertissement yani, qui a été donné par Allah à ce sujet-là dans le Coran. Et on a mentionné les versets tout à l'heure. Ne soyez pas de ceux qui ont divisé, qui se sont divisés et qui ont divergé après que la preuve évidente leur soit venue. Et ceux-là, ils auront un châtiment, un grand châtiment. Et il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ceux qui divisent leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Leur affaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala vers qui elle revient, c'est lui qui va s'en occuper et il va vous informer de ce que vous faisiez. Ensuite, il dit le chef, et donc il n'est pas permis pour la Ummah musulmane de se diviser en groupes et en parties. Chaque partie a une voie et une méthodologie différente de l'autre. Il est obligatoire plutôt pour les musulmans de se réunir tous ensemble sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur une voie et une méthodologie unique, c'est-à-dire la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ainsi que ses successeurs bien guidés parmi les sahaba qui ont été agréés par Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de, en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, et je vous invite à suivre ma sunna, ainsi que la sunna de mes successeurs bien guidés, bien orientés et bien guidés, et qui vont venir après moi. Accrochez-vous à cette sunna et à la sunna de mes khulafa, de mes successeurs, et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde à toutes les nouvelles nouveautés ou les choses nouvelles dans la religion, car toute chose qui sont innovées, c'est un égarement. Toute chose qui est innovée dans la religion, c'est un égarement. Donc ça, c'est en ce qui concerne la partie que j'ai lue. Ensuite, il dit « وَلَيْسَ مِنْ هَدِيَ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَنْ تَتَفَرَّقَ الْأُمَّةَ أَحْزَابًا لِكُلِّ حِزْبٍ مِنْهُمْ أَمِيرٌ وَمَنْهَجٌ وأمير الأمة الإسلامية واحد وأمير كل ناحية واحد من قبل الأمير العام. Le Cheikh il dit, ça ne fait pas partie de la guidance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses successeurs bien guidés, que la Ummah se divise en différents groupes, et chaque groupe a un chef et un guide différent, ou un responsable et un dirigeant différent. Il dit que la Ummah doit avoir un seul dirigeant et dans chaque région, dans chaque direction, il devrait y avoir quelqu'un qui s'en occupe de sa région et qui répond à un chef qui est général pour tous les autres. Le chef il dit ثم قال ونصيحتي للأمة أن يتفقوا على دين الله ولا يتفرقوا فيه، وإذا رأوا من شخص أو طائفة خروجا عن ذلك نصحوه وبينوا له الحق وحذروه من المخالفة وبينوا أن الاجتماع على الحق أقرب إلى السداد والفلاح من التفرق. لشيخ الزبي par la suite, mon conseil pour la Ummah, c'est qu'ils se mettent d'accord sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils ne se divisent pas. Et lorsqu'ils voient d'une personne, ils constatent d'une personne ou d'un groupe en particulier qu'ils ont dévié ou qu'ils se sont divisés, il dit qu'il leur donne la nasiha. Et donc il leur donne le bon conseil et il leur clarifie la vérité et il l'avertit de toute opposition et de toute chose qui est contraire à la vérité. Et il leur clarifie également qu'il faut s'unir dans la vérité et que si tu t'unis sur la vérité, ça c'est mieux pour toi, c'est plus proche de ce qui est correct et c'est plus proche du succès que de se diviser. Ça c'est tiré du livre qui s'appelle Kitab al-Ilm. Du Cheikh Ibn Uthaymin. Ensuite, dans cette question-là, il y a un troisième point qui est mentionné comme explication. Et ce troisième point-là, c'est au sujet du fait que dans le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'ah, on ne doit pas suivre personne aveuglément. Quand c'est question de religion, on ne doit pas suivre quelqu'un aveuglément, on doit uniquement suivre quelqu'un qui ramène une preuve, peu importe le niveau ou la grandeur, de niveau de science de ce savant, s'il ramène, si il a dit quelque chose ou il a fait quelque chose, puis on a trouvé dans le Coran ou dans la Sunna quelque chose qui est contraire à ça, donc c'est bien entendu qu'on doit suivre la vérité qui est dans le Coran et dans la Sunna et non pas suivre qu'est-ce qui est dans les paroles de cet imam ou de ce savant. Donc il dit troisièmement, إن أهل السنة والجماعة السلفيين لا يقلدون أحدا بعينه سواء رجل إن أهل السنة والجماعة السلفيين لا يقلدون أحدا بعينه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي أوصى ويوصي به العلماء قديما وحديثا ذلك أن الحجة في الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة أما إذا خالف قول العالم ما دلت عليه النصوص فلا عبرة به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما يوالي عليه ويعادي غير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة ويوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. وقال أحسن القائل سيد المعسان ونقر بوين بلا أفا لير كيس كون ألو متنا الشيخ يزي كوا يزي لفوة أهل السنة والجماعة للسلفيين نو أن نسوي بحسن أفغلما اكسبتي البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Et c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et c'est ce que tous les savants de l'islam, dans le passé comme dans le présent, ont ordonné, c'est-à-dire de suivre la preuve qui est dans le Coran et dans la Sunna, et la question, les questions sur lesquelles les salafs de la Umma ont tous été d'accord. يعني أما إذا خالف قول العالم ودل عليه ودلت ما دلت عليه النصوص Donc le cheikh il dit que si un savant a contredit, et il dit donc on doit suivre la preuve du Coran et de la Sunna et ce que les savants ont tous été d'accord, l'ijma, et si on trouve qu'une personne, un savant a contredit, yani l'ijma ou les textes du Coran et de la Sunna, ce qui est clair dans ces références-là, dans ce cas-là, on ne doit même pas lui donner aucune considération. Ensuite, le cheikh, il dit que, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit dans Majmou' al-Fatawa, le volume 20, à la page 164, il dit que personne n'a le droit d'établir une personne ou de placer quelqu'un et d'appeler les gens à suivre cette personne en particulier et de le prendre comme référence par rapport à qui on doit aimer, qui on ne doit pas aimer, hein, qui on doit aimer, qui on doit défendre et qui on doit s'opposer contre lui et le rejeter. Donc, on n'a pas le droit de prendre une personne de cette façon-là et de lui attribuer une parole et que toute personne qui n'est pas d'accord avec cette parole-là, eh bien, on le rejette et toute parole qui est pas d'accord avec toute personne qui est d'accord avec lui, on se met avec lui, et si on n'est pas d'accord avec lui, on le rejette, dans ce cas-là, ça c'est pas permis de faire ça, ou bien de se rallier ou de se désavouer par rapport à lui. Comment on peut donner un exemple de ça? C'est comme si par exemple, il y avait disons un imam dans une mosquée, puis les gens disent à tout le monde, tu dois être avec cet imam, et si quelqu'un dit, ouais, mais moi je suis pas d'accord avec lui, parce qu'il a, par exemple, telle ou telle erreur, ou il a contredit le Coran et la Sunna, alors les gens disent, ah non, si tu dis ça, alors dans ce cas-là on n'est pas avec toi, et puis on veut rien savoir de toi. On n'a pas le droit de faire ça dans l'islam. La seule personne autour de qui on est obligé de se rallier et de s'aimer et de se détester pour lui, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À part ça, c'est relatif. Ça dépend de ses actions et de ses paroles. Hein. Et donc, il faut que ses paroles et ses actions soient en accord avec le Coran et la Sunna pour qu'on puisse, disons, le prendre pour allié. Et si on trouve qu'il a des petites contradictions ou qu'il a des innovations ou autres, on va agir en considération de ces différentes divergences qu'il a, selon le degré de divergence qu'il a. Et donc, ça c'est important de bien comprendre ça. Puis ensuite, le cheikh il dit, Ibn Taymiyyah, il dit donc, parce qu'il y a des gens comme ça parmi les soufis par exemple, ils ont un chef ou quelqu'un qu'ils suivent, et puis si tu acceptes pas de suivre leur chef avec eux, eh ben ils te considèrent comme si tu es quelqu'un perdu ou égaré, et puis il faut absolument que tu acceptes leur chef. Donc ça c'est des exemples de formes de qu'est-ce qu'on appelle de ta'assoub, hein. Surtout si c'est quelque chose qui a rapport avec le fait que ces personnes-là, que ces gens-là suivent, ont des erreurs dans leur compréhension de l'islam, puis tu les critiques à cause de ça, puis eux, ils te rejettent à cause de ça. Donc ça, c'est une forme de, c'est une forme d'attitude de partisanisme, une forme de, qu'est-ce qu'on appelle, ta'assoub en islam. Ensuite, il dit, وَمَا اجْتَمَتْ عَلَيْهِ الْأُمَّةِ بَلْ هَذَا من فعل أهل البدع. Il dit, il y a un consensus des savants de la Ummah à ce sujet-là, et d'agir de cette manière, ça fait partie des attitudes des gens de bid'a. Lorsqu'ils ont établi quelqu'un ou considéré quelqu'un, ils prennent, ou bien lorsqu'ils ont élevé les paroles de quelqu'un, eh bien, ils prennent quelqu'un pour allié ou pour ennemi par rapport à cette personne ou par rapport à ses paroles. Okay? C'est comme par exemple n'importe quelle personne qui dit, ah mais il faut que tu prennes un tel, et pourtant tu sais que ses paroles sont contraires à l'islam, mais malgré tout tu vas le laisser à l'intérieur parce que, hein, et tu vas agir bien avec lui comme ça parce que tu dis, ben il est notre cheikh ou dans notre groupe, ou bien il dit telle ou telle chose, il faut accepter tout ce qu'il dit parce qu'on le respecte. Donc ça c'est pas permis. Et c'est l'attitude des gens de bid'ah. Et le chef, il mentionne des exemples de ça, des paroles des imams de l'islam, et c'est des paroles qui ont été mises en forme de poésie. Comme un genre de paroles en poème, c'est-à-dire ça rime. Il dit, لَقَدْ أَحْسَنَ الْقَائِلِ وَقَوْلُ أَعْلَامِ الْهُدَى لَا يُعْمَلُ بِقَوْلِنَا بِدُونِ نَفْسٍ يُقْبَلُ فِيهِ دَلِيلُ الْأَخْذِ بِالْحَدِيثِ وذاك في القديم والحديث قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك الإمام دار الهجرة قال قد أشار نحو الحجرة بكل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك فاطلبوا فاسمع مقالات الهدى الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب وَالْمُنْصِفُونَ يَكْتَفُونَ بِالنَّبِي. Donc ça c'est un poème qui explique que les paroles des imams de la guidance, on doit c'est qu'on ne doit pas agir selon les paroles d'une personne ou selon nos paroles, excepté avec une preuve et un texte du Coran et de la Sunna qui est accepté, dans lesquels il y a une preuve. Donc il dit qu'il y a la preuve dans ça, qu'on doit prendre selon les hadiths, et ça c'est quelque chose qui était dit dans l'ancien temps comme dans le temps présent. Et comme par exemple les imams de l'islam comme Abu Hanifa, qui est l'imam, et il n'est pas, il a dit quoi cet imam Abu Hanifa, hein, il a dit qu'il n'est pas permis à quelqu'un qui est musulman de prendre ma parole jusqu'à ce qu'il les ramène au Coran et à la Sunna qui est agréée pour pouvoir l'accepter. Tu ne peux pas accepter les paroles de l'imam Abu Hanifa si tu ne sais pas c'est quoi ses preuves dans le Coran et dans la Sunna. Ce n'est pas juste de suivre aveuglément. Ensuite, il dit également que l'imam Malik, qui était l'imam de Dar al-Hijra, c'est-à-dire la maison où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la Hijra, c'est-à-dire la ville de Médine, il a dit, en montrant ou en pointant vers la maison de Aïcha, radiyallahu anha, c'est-à-dire l'endroit où il était enterré, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était enterré, il a dit, toute parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est soit acceptée ou rejetée. Toute parole en dehors de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est soit acceptée ou rejetée. Acceptée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire, toute parole peut être acceptée ou rejetée, sauf la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a dit ça en pointant vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que l'imam Malik, il vivait à Médine. Hein, c'était là qu'il a vécu toute sa vie. Ensuite, il mentionne les paroles de l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, qui dit, et si vous voyez ma parole en contradiction avec ce que vous avez transmis comme hadith, alors jetez-le contre le mur et jetez ma parole sur le mur et prenez la parole dans le hadith hein, qui est mentionné. Et il dit donc que Ahmad a dit aussi la même chose, n'écrivez pas ce que je dis, mais recherchez ce que je dis à la source. Donc, il dit que si tu entends les paroles donc, de ces quatre imams de la guidance qu'on a mentionné, et que tu les suis, que tu prends ces exemples-là, eh bien, il y a un bienfait pour toi là-dedans, parce que tu vas pouvoir réfuter toutes les paroles des gens qui sont acharnés à suivre quelque chose aveuglément, mais la personne qui est honnête et juste, elle va se limiter à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas l'exemple des gens qui ont contredit l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien qui se sont trompés dans certaines choses. Ensuite, le cheikh il dit قُلْتُ وَهَذَا هُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ عَنِ السَّلَفِ عِنْدَ السَّلَفِ وَالنُّصُوصُ عِنْدَهُمْ وَالنُّصُوصُ عَنْهُمْ في هذا الذم في ذم التقليد كثيرة جدا. أما الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة فهو المعمول به. Le Cheikh il dit, ça ces paroles-là des imams des salaf, c'est la parole des imams des salaf qui est celui qui est, ça c'est la position qui est acceptée et qui est appliquée par les gens aujourd'hui, par les musulmans qui ont compris l'islam, et il y a là-dedans un blâme de suivre aveuglément les paroles de quelqu'un en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en ce qui concerne les questions d'ijma qui est rapportée au Coran et à la Sunna, alors les questions d'ijma, on doit les respecter. L'ijma c'est quoi? C'est le consensus. Quand tous les savants sont d'accord sur une question, donc ça fait partie du consensus et on doit l'accepter. Et il mentionne les preuves de ça dans les paroles de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Ibn Taymiyyah dit al-aya al-mashhura allati yuhtajju biha ala al-ijma' qawluhu ta'ala wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Donc le cheikh il mentionne ces paroles de l'imam Ibn Taymiyyah, et dans cette parole là Ibn Taymiyyah il dit que la preuve pour le consensus des savants de l'islam, c'est dans le verset 5, une des preuves c'est le verset 115 dans sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, il dit, quiconque s'est dissocié d'avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, une fois que yani, la guidance lui a été parvenue. Et il suit autre que la voie des croyants, alors dans ce cas-là, nous allons le laisser se détourner tel qu'il s'est détourné et nous allons le brûler en enfer. Et quelle mauvaise destination. Donc le cheikh il dit « Inna kullan min al-wasfayn yaqtadi al-wa'id » لأنه مستلزم للآخر فكلا فكل فهكذا مش لأنه مستلزم للآخر فهكذا مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين ومن شاقه فقد اتبع غير سبيله فقد اتبع غير سبيلهم فهذا ظاهر ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه ايضا فانه قد جعل له مدخلا في الوعيد فدل على انه وصف انه وصف مؤثر في الذم فمن خرج عن إجماعهم هذا اتبع غير سبيلهم قطعا والآية توجب ذلك والآية توجب ذلك ذم ذلك الشيخ il dit que cette parole, dans cette parole là il y a deux descriptions qui impliquent une menace. Il y a deux descriptions qui impliquent une menace dans le verset 115 dans Surat An-Nisa. La première menace, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « Quiconque se dissocie d'avec le messager, sallallahu alayhi wa sallam, une fois que la vérité lui a été clarifiée. » Donc ça, c'est la première menace. Et la deuxième menace, c'est « Wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin » C'est-à-dire, yani, quiconque suit autre et qui suit autre que la voie des croyants. Sabil al-mu'minin. Donc, ça c'est les deux menaces en question. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quiconque fait ces choses-là ensemble, une des deux ou les deux ensemble, eh bien, il aura la punition qui est mentionnée après. Mouali, hein? On va le laisser se détourner comme il s'est détourné et on va le brûler en enfer. Donc le cheikh il dit qu'il faut suivre la voie des croyants. La voie des croyants c'est la voie des sahaba bien entendu. Et quiconque se dissocie avec la voie des sahaba c'est comme s'il a suivi autre que leur voie également. Et ça c'est clair. Et quiconque suit autre que leur voie, alors il a également fait scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc ouvert un chemin ou une porte dans cette menace. Et c'est une description qui est vraiment, comment on pourrait dire, qui a un effet très fort dans le blâme qu'il donne, du fait que quiconque sort de ce consensus et de cet accord de la voie des mu'minines, donc quiconque sort de cet ijma, du fait qu'ils sont d'accord avec ceux-là, ceux qui ont la voie des croyants, alors il suit autre que leur voie, et ça c'est clair, et c'est définitif. Et donc, ce verset-là implique un blâme de ces gens-là. Ensuite, le cheikh il dit, « وَإِذَا قِيلَ هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا إنهما متلازمان وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمخالف لهم مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم كما أن المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم مخالف لله ولكن هذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول وهو الصواب فلا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به. Donc le cheikh il dit ici des paroles tirées de Majmou' al-Fatawa, volume 19 à la page 195 et 192 à 195. Il dit, et si quelqu'un disait par exemple que ce verset-là, il blâme uniquement sur le fait de se diviser du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de faire une scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cheikh il dit que non, ça c'est pas vrai, puisque les deux sont reliés ensemble. Le fait de se séparer du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de faire scission avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre autre que la voie des croyants, les deux sont reliés ensemble. Donc, étant donné que c'est mentionné textuellement, فإن يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمخالف له مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم. Donc ça veut dire que c'est mentionné textuellement au sujet du messager صلى الله عليه وسلم. Donc si quelqu'un les contredit, c'est-à-dire contredit la voix des croyants et des sahaba, c'est comme s'il a contredit la voix du prophète et du messager صلى الله عليه وسلم, et c'est comme s'il a contredit Allah subhanahu wa ta'ala également, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonne ce que Allah ordonne. Mais cela implique également que tout sur quoi il y a eu un consensus, le messager l'a clarifié, et c'est ça qui est clair. Et il n'y a pas une question sur laquelle il y a eu un accord entre les sahaba, excepté qu'il y a une clarification du prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet, même si cette clarification-là peut être cachée de certaines personnes, ou certaines personnes peuvent l'ignorer ou ne pas la connaître. Toutefois, on peut la connaître par l'ijma, et on peut l'utiliser comme preuve et comme référence. Donc ça, c'est tout ça c'est pour prouver que la question de l'ijma, elle existe dans l'islam, puis elle est valable. Le fait qu'il y ait un accord et un consensus entre tous les sahaba sur une question, ça devient une preuve, et ça veut dire qu'on est obligé de l'accepter. On ne peut pas le rejeter puisqu'il y a un consensus sur une question. Après, le cheikh il dit, قال الشيخ الإسلام أيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع ويعدونه من أهل الزيغ والضلال. الشيخ الزيك ابن تيمية رحمه الله الزي encore une fois dans منهاج السنة النبوية, وعليكم السلام ورحمة الله, الزيك للسلف ils étaient très durs dans leur rejet ou dans leur désaccord, ou dans leur, pas dans leur désaccord, mais plutôt dans leur désapprobation, le fait qu'ils désapprouvent quelqu'un lorsque cette personne-là, mais c'est pas vraiment dans leur désaccord, c'est plus quand ils réprimandaient ou bien ils rejetaient la position de quelqu'un. Si quelqu'un était contre l'ijma, il le rejetait et il faisait l'inkar contre lui. C'est-à-dire, l'inkar, c'est-à-dire, il dénonçait cette personne-là et il le réprimandait pour avoir contredit le consensus. C'est-à-dire, ce sur quoi tous les compagnons et les grands savants étaient d'accord. Et il le considérait comme faisant partie des gens de la déviation et de l'égarement. Donc, si il considérait comme l'imam Ibn Taymiyyah a dit ici que les salafs, ils considéraient toute personne qui rejetait l'ijma ou contredisait l'ijma, donc ils considéraient que ces gens-là étaient des gens déviés et égarés. Après, le cheikh dit, وقال شعبة ابن الحجاج أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير. قال ابن كثير تعليقا على قول شعبة هذا يعني حجة على غيرهم ممن خالفهم, وهذا صحيح. أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة فلا يرتاب في كونه حجة. الشيخ يقول l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj était un des grands savants de l'islam, un des grands savants parmi les salafs, Shu'ba ibn al-Hajjaj. C'était un des grands savants parmi les savants des premiers siècles, parmi les salafs. Et donc lui, il disait que les savants, les paroles des tabi'in dans les questions de fiqh sont pas des preuves. Alors comment elles pourraient être des preuves dans les questions de tafsir ou d'interprétation yani, du Coran? Et yani, l'imam Ibn Kathir, il a répondu à cette parole de Shu'ba. L'imam Ibn Kathir, il a répondu à cette parole de Shu'ba en disant, non, en fait, c'est que ces paroles-là sont des preuves par rapport à ceux qui sont venus après eux et qui les ont contredits. Et ça, c'est ce qui est correct. Parce que s'ils se sont tous mis d'accord sur une chose, alors il n'y a pas de doute que cette chose-là est une preuve. C'est-à-dire, il dit que les paroles des tabi'in, c'est une preuve, يعني على غيرهم ممن خالفهم وهذا صحيح. La parole du tabi'i, s'ils ont une divergence entre eux, puis il y en a un qui a dit quelque chose contre l'autre, ça peut être utilisé. Ça peut pas être une preuve l'un contre l'autre. Tu comprends? Parce que ce sont des savants et un peut se tromper et l'autre, si l'autre dit quelque chose, ça veut pas dire que c'est une preuve contre l'autre. Si l'un se trompe, c'est pas une preuve contre l'autre. C'est-à-dire, on va dire que il y a deux savants parmi les tabi'in qui ont une divergence d'opinion. Et toi, tu dis, moi, je prends la position du numéro 1. Et l'autre, il vient et dit, non, moi, je prends la position du numéro 2. Et l'autre, peut-être même, il vient qui dit, hein, moi, je prends la position du numéro 3. Eh ben, la parole du numéro 1 n'est pas une preuve contre celle du numéro 2 et du numéro 3. La preuve, ça doit être soit dans le Coran ou dans la Sunna, et la parole d'un savant, c'est pas considéré en tant que tel comme étant une preuve en elle-même, puisque le savant, il est capable de se tromper, il peut se tromper. Donc, le chef, il dit toutefois, si c'est une question sur laquelle il y a un consensus entre les savants de l'islam, depuis le début de l'islam, c'est-à-dire qu'il y a certaines questions sur lesquelles tout le monde est d'accord parmi les tabi'in, alors dans ce cas-là, tu es obligé de l'accepter, de le prendre, parce qu'il y a un accord, et il y a une ijma à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh, il dit, وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ليس للمتأخرين أن يخالفوا ما أجمع عليه العلماء قبلهم لأن الإجماع حق ولا وهو أحد أركان وهو أحد الأصول يعني أن الإجماع حق وهو أحد الأصول الثلاثة التي يجب الرجوع إليها ولا تجوز مخالفتها وهي الكتاب والسنة والإجماع لأن العلماء إذا أجمعوا على شيء دخلت فيهم طائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال على الحق. قلت هذا الذي نقل عن هؤلاء العلماء من حجة الإجماع مؤيده من كعب ابن عاصم وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قد أجار النبي صلى الله عليه وسلم أمتي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة رواه ابن أبي عاصم وقال الشيخ أبو الحسن المصري ساسي Ça c'était probablement avant, bien entendu, c'était probablement écrit avant qu'il commence à défier celui-là, Abu al-Hassan al-Misri, puisqu'on sait que par la suite il a dévié. Non, il est toujours dévié jusqu'à aujourd'hui. Abul Hassan al-Misri, c'est Abul Hassan al-Ma'ribi, il n'est pas revenu encore. Espérons qu'Allah le guide. Ouais, c'est un des personnes qui était considéré comme étant un des chouyoukhs avant. Toutefois, quand il a commencé à dévier et attaquer les salafis, on a vu qu'il a des shubuhat et des problèmes dans son manhaj. Donc lui, il l'a cité ici dans une citation qu'il avait dit. Mais ça, c'était un livre qui était écrit à l'époque où il était encore bien. Ensuite, il dit donc, ouais, c'est ça malheureusement. Et ça a fait une grosse fitna dans le monde, parmi les salafis à l'époque, quand c'est sorti. Ça fait un bon bout de temps là, ça fait un bon bout de temps en tout cas, c'est ancien. Mais bon, nous ici, il y en a beaucoup de gens qui sont pas au courant de cette fitna. Ah, mais ça on peut. Non, il y a plusieurs choses. Il n'y a pas juste un. Cheikh Rabi, il a écrit des dizaines de réfutations sur lui, puis plein d'autres savants. Il y a environ, je pense, 200 shuyukh et tullab ilm qui ont écrit des réfutations contre lui. Donc le Cheikh, il dit, وَقَدْ أَجَارَ أُمَّتِي أَنْ تَجْتَمِعَ عَلَى الضَّلَالَةِ. Il dit le Cheikh que, le Cheikh Ibn Baz, c'est ce qu'il dit dans cette citation-là, que, les gens qui viennent après les premiers savants, c'est les savants qui sont venus après les premiers musulmans, quand ils écoutent ou lorsqu'ils lisent les paroles des savants qui sont venus avant, ils ne doivent pas contredire les positions sur lesquelles ces savants qui sont venus avant étaient tous d'accord. Ils ont eu une ijma sur une question. S'ils étaient tous d'accord sur une question, ben dans ce cas-là, nous, on doit l'accepter et pas se diviser sur cette question-là. Parce que la question du consensus, c'est quelque chose qui est véridique et qui est bon et qui est vrai. Et donc, ça fait partie des fondements. Parmi les musulmans, il y a trois fondements sur lesquels ils se basent pour retourner dans les questions de jugement dans la charia. C'est la première question, c'est le premier fondement, c'est Al-Kitab, le Coran. Le deuxième fondement, c'est Sunna, c'est la Sunna. Et le troisième fondement, c'est Al-Ijma, c'est-à-dire le consensus des musulmans. Et le Cheikh, il dit pourquoi? Parce que les ulamas, s'ils se sont réunis tous sur une chose, alors ça fait partie du groupe victorieux que le prophète Sansam avait annoncé, qu'ils vont toujours rester sur la vérité. Hein? Donc c'est ça la signification. Et ensuite, le Cheikh, il dit que Ibn Abi Asim, il a rapporté dans son livre As-Sunna, qui a été authentifié par l'imam Al-Albani. Donc il a mentionné dans son livre As-Sunna, l'imam Ibn Abi Asim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a protégé sa umma qu'elle se réunisse sur l'égarement. C'est-à-dire, la umma est protégée contre le fait de se réunir sur l'égarement. Et ensuite, le Cheikh il dit, et ce que ces gens-là ont transmis parmi les savants, les paroles qu'on a mentionnées depuis tout à l'heure, les paroles des savants qu'on a mentionnées tout à l'heure, tout ça c'est des preuves qui supportent le fait que on doit accepter le consensus des savants. Puis il y a aussi la parole dans le hadith qu'on vient de lire, selon Ka'b ibn Asim, selon Anas radiallahu anhuma. D'accord, donc là on a expliqué ça, ces points-là. Maintenant, le Cheikh dit rabi'an, an yuqal, inna ulama as-sunna as-salafiyina la yatanazaluna an ayy amrin min umur al-din. أما دعاة الانتخابات فقد قدموا التنازلات الواحدة بعد الأخرى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Donc ça c'est le quatrième point dans ce qui a été mentionné par le chef à ce sujet-là. C'est le quatrième point, c'est que les savants salafis, ils ne font pas de compromis dans les questions de la religion. Ils disent les choses telles quelles. tandis que les gens de bid'a qui rentrent dans les partis, les groupes de politique, eux, ils font toujours des compromis un après l'autre dans la religion. Le cheikh il dit, أن يقال إن علماء السنة السلفيين لا يتنازلون عن أي أمر من أمور الدين، أما دعاة الانتخابات فقد قدموا التنازلات الواحدة بعد الأخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن كل ما تقدم ذكره من أن مسألة الانتخابات من الأمور الاجتهادية على أساس أن القائل بجوازها من أهل السنة والجماعة السلفيين من أهل الاجتهاد، أما إذا كان القائل من أهل البدع الذين أسسوا منهجهم الدعوي على البدعة فلا عبرة بقوله ولا كرامة، لأن أهل البدع كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية شعار أهل البدع هو ترك الانتحال أو هو ترك انتحال اتباع السلف. الشيخ الزيك كم كاسيام بوين كما قلنا ذيك العلماء السلفيين ne font pas de compromis dans aucun point de la religion. Mais les gens qui font l'invitation aux élections, ils amènent toujours des compromis un après l'autre, les uns après les autres. ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et il dit que tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, parmi les questions qui ont rapport avec les élections, et que ceux qui disent que ça fait partie des questions d'ijtihad, et donc ils essaient de se baser sur ça pour essayer de dire que de faire ça c'est permis. Tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est uniquement dans le cas où la personne parmi les savants qui aurait dit ça serait un salafi et qui ferait partie des gens de l'ijtihad. Mais si ce sont des gens qui ont dit ça, mais qui font partie des gens de bid'ah, hein, qui ont établi leur manhaj sur des bases d'un manhaj de da'wah qui est contraire à la sunna, qui est bid'ah, alors il n'est même pas considéré déjà en partant, et on n'a aucun respect et aucun honneur pour lui, parce que les gens de bid'ah, comme Ibn Taymiyyah l'a expliqué, leur slogan c'est qu'ils ne... c'est leur slogan des gens de bid'ah, c'est de ne pas suivre les salafs, de ne pas suivre ceux qui ont précédé. Donc ça veut dire, le chef explique là en fait que nous on parle des savants qui sont sur la sunna. Si on discute de la question des ijtihad et qu'il y a certains savants qui ont soi-disant fait des ijtihad au sujet des élections, on est en train de parler de ceux qui parmi eux auraient fait une ijtihad et qui se seraient trompés parmi les savants qui sont salafis et qui sont sur la bonne guidance. Toutefois, si ce sont des savants qui ont des bid'a comme Al-Qardawi ou d'autres parmi ces gens-là qui appellent à la démocratie, ceux-là on ne les considère pas, parce que déjà leur manhaj il est contraire à la base avec la voie des salaf salih. Le cheikh il explique, il dit ensuite, قال l'imam al-Shatibi, الاجتهاد الواقع في الشريعة ضربان الاجتهاد المعتبر شرعا وهو الصادر عن أهله الذين اطلعوا بمعرفة ما يفتقر الاجتهاد إليه، والثاني غير المعتبر وهو الصادر عن من ليس بعارف بما يقترف الاجتهاد إليه، لأن حقيقته أنه رأي بمجرد التشهي والأغراض وخبط في عامية واتباع للهوى، فكل رأي صادر عن هذا الوجه فلا مرية في عدم اعتباره، لأنه ضد الحق الذي أنزله الله كما قال تعالى، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. الشيخ الزي il mentionne les paroles de l'imam al-Shatibi, c'est un des grands savants de l'Andalousie. L'imam al-Shatibi, il dit dans son livre qui est Al-Muwafaqat, un des grands livres de Usul, qui parle des Usul, de Usul. Il parle dans ce livre-là, il dit que l'ijtihad, il est divisé en réalité en deux catégories dans la charia. Donc il y a deux catégories d'ijtihad. Il y a un ijtihad qui est considérable, on le prend en considération, parce qu'il est en accord avec les principes de l'islam. Puis il y a une autre forme d'ijtihad qui n'est pas en considération, qui n'est pas pris en considération, parce qu'il n'est pas en accord avec les principes de la charia. Donc, le cheikh explique la différence entre les deux. L'ijtihad qui est considéré, qui on prend en considération, et qui est valable, c'est celui qui est basé ou qui est fait et accompli par les gens qui ont la connaissance, hein, les gens qui font l'ijtihad et qui sont aptes à faire l'ijtihad parce qu'ils ont la connaissance, ils ont été remplis de la connaissance qui est nécessaire pour le faire, cet ijtihad. Et la deuxième catégorie d'ijtihad, c'est celle qui n'est pas valable ou pas prise en considération, c'est l'ijtihad qui est fait par celui qui n'a pas la connaissance qui est nécessaire pour pouvoir faire l'ijtihad. Parce qu'en réalité, c'est uniquement une opinion, parmi d'autres opinions qui est en accord avec ses désirs, hein, qu'il suit ses passions et ses désirs et ses intérêts. Et il suit uniquement son aveuglement et ses passions, hein. Donc toute personne qui suit une opinion qui est extraite de cette manière, c'est-à-dire qui n'est pas basée sur une connaissance, mais qui est uniquement basée sur une opinion basée sur des passions ou des intérêts, alors cette ijtihad, elle ne doit même pas être en considération, il n'y a pas de doute qu'on ne doit même pas la considérer, cette ijtihad, parce qu'elle est en contradiction avec la vérité que Allah subhanahu wa ta'ala a révélée, comme il le dit dans le verset 49, dans Surat Al-Ma'ida, il dit, et juge entre eux, parce que Allah a fait descendre et ne suit pas leur passion. Et le cheikh il dit, قلت وكلامه رحمه الله ينطبق على قول إن الانتخابات من الأمور الاجتهادية ذلك إن كان قائله يقصد علماء السنة السلفيين فهو من الضرب الأول وهؤلاء يقال فيهم ومذهب أهل السنة أنه لا إثم على من اجتهد وإن أخطأ. Le cheikh dit que cette parole de l'imam al-Shatibi, elle s'applique sur les gens qui disent, ou sur la parole des gens qui disent que les élections font partie des questions d'ijtihad. Et donc on dit à la personne, hein, كان قائله يقصد علماء السنة فهو من الضرب الأول. Donc si on dit par exemple, si c'est une ijtihad qui est fait par les savants qui sont dans la première catégorie, qui font l'ijtihad avec science, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit à leur sujet? Ce sont les savants salafis, et on dit que leur erreur dans l'ijtihad est excusée. Parce qu'ils ont fait un effort pour arriver à la vérité, mais ils se sont trompés, et donc ils ont une récompense au lieu de deux. Et ils sont excusés pour cette erreur. وَإِنْ كَانَ يَقْصُدُ أَهْلَ الْبِدَعِ وَالضَّلَالَ أهل البدعة والضلالة من دعاة الانتخابات في القديم والحديث فهو من الضرب الثاني وهو أن يقال فيهم إنهم أخطأوا بغير اجتهاد إذ لم يكونوا من أهل العلم. Donc le cheikh dit, mais si ils font partie de la deuxième catégorie, c'est-à-dire des gens de bid'a et des gens de l'égarement et des gens qui appellent à la démocratie, et ben dans ce cas-là, ils font partie de la deuxième catégorie, ceux qui ne sont pas excusés de leur ijtihad qui est erroné et qui est fausse, parce qu'ils ont fait leur ijtihad sans avoir de science. Et étant donné qu'ils ont fait cet ijtihad sans avoir de science, eh bien, ils sont excusés. Ils ne sont pas excusés d'avoir fait l'erreur. Le cheikh dit, bal, مما يوضح ذلك جليا ما قاله أيضا لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهدا فيها أو مقلدا. ثم قال فالقسم الأول على ضربين، أحدهما أن يصح كونه مجتهدا فالاتباع منه لا يقع إلا فلتة وبالعرض لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وابتغاء تأويل الكتاب أي لم يتبعه هواه ولا جعله عمدة والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به إلى آخر كلامه قلت وهؤلاء يقال فيهم إن فإنه ما من أحد من أعيان الأئمة من السابقين والأولين ومن بعدهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة donc le cheikh il dit que parmi les choses qui clarifient ça encore plus c'est la parole suivante c'est qu'il n'y a pas un savant il n'y a pas une bid'a il dit que toute personne à qui on attribue une bid'a, c'est soit qu'il est un mujtahid, soit qu'il est mujtahid dans cette bid'a, ou soit qu'il est muqallid. Donc il y a deux possibilités pour quelqu'un qui fait une bid'a. Soit qu'il est mujtahid, c'est-à-dire il a fait l'effort, il a les connaissances nécessaires, puis il a fait un effort pour atteindre le verdict, mais il s'est trompé, donc il est mujtahid. Ou bien il est muqallid, c'est-à-dire il suit aveuglément quelqu'un d'autre. Ok? Donc le cheikh il dit la première catégorie de ces, la première dans cette première catégorie elle est divisée en deux. C'est premièrement c'est que il a le droit de faire une ijtihad. Hein? C'est-à-dire il a la science et la connaissance nécessaire pour faire l'ijtihad. Et c'est vrai donc dans ce cas-là qu'il est un mujtahid. Hein? Dans ce cas-là En principe, c'est quelqu'un qui suit la sunna. Et la bid'a qu'il a fait, il l'a uniquement fait par erreur. Hein? Il est tombé dedans sans faire exprès. C'est une erreur. Il a glissé, comme on dit. On appelle ça une ghalta ou zalla. C'est-à-dire, il s'est trompé. Il a glissé sur ce sujet-là. Il s'est trompé là-dedans. Et il n'a pas eu l'intention de suivre qu'est-ce qui est qu'est-ce qui peut avoir plus qu'une signification dans la charia, dans le but de faire la fitna, ou dans le but de chercher à interpréter le Coran d'une façon contraire à la réalité. Il n'a pas suivi sa passion, c'est-à-dire, il n'a pas établi cette bid'a comme un fondement ou un principe pour lui, c'est juste qu'il s'est trompé et il a mal jugé. Et donc il est tombé dans cette erreur-là, à ce sujet-là. Et la preuve que c'est pas quelque chose qui, sur lequel il se base constamment et que c'est pas un principe pour lui, et qu'il a juste fait une erreur, c'est que lorsqu'on va lui venir et lui clarifier la réalité, il va revenir sur sa position et va accepter la vérité à ce sujet-là. Donc ça c'est la preuve de sa sincérité et qu'il est un mujtahid qui s'est trompé. Et le cheikh il dit que, quand tu regardes parmi ceux-là, tu vas trouver que parmi les grands imams qui ont précédé et ceux qui les ont suivis, tu vas trouver toujours chez eux une parole ou des paroles ou des actions dans lesquelles ils ont manqué la sunna ou la sunna leur a été cachée, c'est-à-dire ils n'ont pas été capables de trouver la sunna dans ces différentes questions-là, puis ils se sont trompés à cause du fait qu'ils n'avaient pas eu accès à la sunna en question. Donc c'était pas une erreur qu'ils ont fait volontairement pour suivre leur passion, c'était uniquement une erreur qu'ils ont fait par le fait que justement il y a une chose qui leur a été, c'est-à-dire c'est comme si une connaissance qui leur a manqué ou qui les a échappés hein, dans ce sens-là. C'est-à-dire ils étaient ignorants ou ils n'avaient pas connu cette sunna et donc ils ont mal jugé ou ils ont fait une erreur à ce sujet-là. Ensuite, le cheikh dit, ومن هذا القبيل ما يصدر من بعض أئمة السنة من أخطاء وهم فيها مجتهدون. Et donc, ça, les erreurs des savants de la sunna qui tombent dans des erreurs dans des choses de ce genre font partie des mujtahidun, c'est-à-dire ils sont des mujtahidun, mais ça fait partie de cette catégorie-là d'erreurs dans lesquelles ils ne sont pas punis et ils sont excusés. ثم قال الشاطبي والثاني إما أن لم يصح بمصدر العلم أنه من المجتهدين فهو الحري باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم إذا إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد الشرع الهوى الباعث عليه في الأصل وهو التبعية. قلت ومن هذا القبيل ما صدر من دعاة الانتخابات من فهم لبعض نصوص الكتاب والسنة تبين جواز المشارك قلت ومن هذا القبيل ما صدر من عن دعاة الانتخابات من فهم لبعض نصوص الكتاب والسنة تبين جواز المشاركة في الانتخابات البرلمانية. Donc le cheikh il dit que la deuxième catégorie de la deuxième catégorie de personnes qui tombent dans l'erreur au sujet de leur ijtihad, c'est ceux qui ne sont pas réellement considérés comme étant des mujtahidin, dans le sens qu'ils n'ont pas la science nécessaire pour être des mujtahidin, du fait qu'ils sont basés, ils ont basé leur ijtihad sur des principes qui sont en contradiction avec la révélation, comme on a expliqué déjà. Et donc, du fait qu'ils ont des principes qui sont établis sur autre que la révélation et qu'ils ont des principes contraires, eh bien c'est normal qu'en plus de leur ignorance, ils suivent leurs passions et ces passions-là les poussent à tomber donc dans ces erreurs-là et ces innovations-là. Donc, il dit que les gens qui appellent à la démocratie puis à participer dans les élections parlementaires et qui essaient de comprendre les textes du Coran et de la Sunna dans le but de rendre ça licite, eh bien, ces gens-là font partie de cette catégorie-là de gens qui ne sont pas des vrais mujtahidin et qui ne sont pas considérés comme tels et qui sont en dehors justement de Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah et on continuera donc inshallah à ce sujet la semaine prochaine. Donc la question de fatwa de certains ulama qui auraient émis des fatwas pour dire que c'est permis de participer aux élections, oui c'est ça. Donc là on peut voir que cette fatwa, même si elle était venue, si elle est venue des gens de bid'ah, c'est clair qu'on ne l'accepte pas de toute façon puisque c'est des gens de bid'ah et donc leurs paroles on ne doit pas les considérer. Mais si c'est venu de la part des ulama qui sont salafis, eh bien dans ce cas-là, on considère que leur fatwa dans cette question-là, c'est une erreur. Inch'Allah, ils seront quand même récompensés parce qu'ils ont fait l'effort puis ils se sont trompés, même s'ils n'ont pas eu une bonne réponse, parce qu'ils ont fait un effort sincère pour savoir la vérité, mais ils ont fait une erreur là-dedans. Et donc, ils sont récompensés, mais nous, on n'a pas le droit de les suivre dans cette erreur-là, une fois qu'on a compris que c'est une erreur. Et on a vu les preuves ensemble que les paroles de ces ulama-là dans cette fatwa, elle est erronée parce qu'elle est en contradiction avec tout ce qui est, les élections sont contraires avec tout ce qui est islamique. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.